devrais te méfier. Me relève le défi en attendant le messie. Reste avec l'équipe, beaucoup des tiens finissent tu méfier. Sacrifie les maîtres des cérémonies. Filleul de l'Égypte et des momies. Moi je mets des gifs pour sceller mon hymne. Je fais sauter les lettres, mais mes lèvres et mes lèvres ont fait fauter les maîtres et les lèvres. Dans le business, disopé mais c'est lèche. Mécanique, le flow métallique. Mécanique, c'est simple, le rap c'est souffle, le rap c'est sain. Écoute mes paniques. Si ta messe t'es parfait, mais si ta mèche est mouillée, rien n'explose. Pose les faits. Manière titanesque, on est le point du I et la barre du D. Tu peux en douter, mais je vais finir par tuper mon QI. C'est ta peine qui tombe, écoute cet appel. Je couvre des têtes cet après-midi. Après mon attrait, c'est que t'apprennes. T'es un pépé dans le rap, j'ai mis des langes. Tu fais pas de l'art, tu vas voir l'état ton pavoir. Et prendre pour Michel-Ange. Lui-même, je tranche dans le vide. Comme un boucher du marché, après t'avoir marché, jeté dans le vide. Aux tensions, la distrib, rien que du style. On distille des knockouts, t'es notre cam sous obstention et tu le sais. C'est du poison dans la nice, c'est un coup de canif. Si tu fais le calife sans contrat de calif, ici c'est la mif. La distrib, c'est du bordel en concert. On dit que c'est un Voltaire, elle met des MC en concert. Arricola, elle me dégoûter des pédictidolas. C'est les chiens d'un chenille, jette pas ma chemise sur eux. J'ai même pas 10 dollars, j'suis hostile et pas duc. Adopte, c'est de la dope, faut la dealer à d'autres qui l'adopte, ton style est caduque. J'ai les mags et les radios, comme ennemis. Vu que c'est tes alliés faisant l'éloge de tes lopes. C'était Jérémiade, vas-y accouche, c'est l'alien. Que t'as dans l'utérus, comme plus tes ruches. J'ouvre les verrous de ta tête comme une césarienne. Tu crois que tu tombes qui? Viens pas sans fouet pour faire asseoir un tigre. Et mon flot intrigue, j'suis plus ton petit. J'sors pas de nulle part, c'est des années d'entraînement. J'ai déjà prévu ta messe, tes obsèques et ton enterrement. Si haut, j'peux atteindre et j'en partie du bois. Ça, c'est l'écran que j'compte imiter. Mon stylo comme une continuité du bras. Ça c'est le cop, on refuse, ou même les copes refusent. Parfois d'entrer dans le hall où je fume. Aux tensions, la distrib, rien que du style. On distille des knockouts, t'es notre cam sous obstention et tu le sais. C'est du poison dans la nice, c'est un coup de canif. Si tu fais le calif sans contrat de calif, ici c'est la mif. La distrib, c'est du bordel en concert. On dit que c'est un Voltaire, elle met des MC en concert. La honte, ma peau, aux tensions. Je vais être un gars sans thune, mais je ferai pas un homme sans son. 2005, c'est l'année, ouvre les portes aux pieds de biche. Dans le bise, soit slide.